comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 27e émission de « Prendre la Chine par son histoire ». Carl Derry au microphone et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine. Alors que nous allons poursuivre aujourd'hui le chapitre 10 de notre histoire de la Chine à dos de tortue. Chapitre qui nous plonge au cœur des guerres de l'opium du 19e siècle. Mais avant de revenir là où nous avions laissé notre récit la semaine dernière, j'aimerais prendre un peu de temps en début d'émission pour glisser quelques mots sur l'actualité et aussi pour revenir sur le fameux gala annuel du Nouvel An chinois présenté à la télévision nationale le 17 février dernier. Comme il fallait s'y attendre, la présence accrue de robots, notamment lors d'une chorégraphie de kung-fu, a attiré l'attention de nombreux médias à travers le monde et plusieurs commentateurs y sont allés de leurs interprétations. Ceux qui étaient à l'antenne de notre 25e émission se rappelleront que j'ai mentionné avoir été frappé par une surcharge d'effets visuels générés par ordinateur, qui a eu pour effet de susciter plusieurs questionnements sur la véracité ou non de ce qui nous était offert en spectacle. Sur la question des robots chinois en tant que tels, on sait que, et ça ne date pas d'hier, la Chine cherche à dominer plusieurs secteurs de pointe des nouvelles technologies, dont la robotique, les énergies renouvelables et les véhicules électriques, ainsi que les secteurs liés à l'intelligence artificielle. Plusieurs se questionnent même, et ce depuis longtemps, sur l'utilité de certaines avancées en robotique. Mais pour revenir à la chorégraphie du 17 février dernier, on a vu de plus en plus de commentateurs suggérer que les robots n'étaient pas autonomes, mais qu'il s'agissait essentiellement de robots qui étaient téléguidés par des contrôleurs hyper spécialisés. Bref, il se peut que nous ayons seulement été témoins d'une chorégraphie de jouets téléguidés hyper performants, pimpés par quelques effets visuels retouchés par ordinateur. Et la sagesse nous recommanderait ici de ne pas trop s'emporter rapidement devant les images qui circulent parfois sur le web au sujet de robots militaires et autres fantasmes apocalyptiques. Parlant d'apocalypse et de guerre, même si c'est la Chine qui est le sujet principal de notre émission, on ne peut s'empêcher de glisser quelques mots sur la guerre que le président américain et l'État d'Israël viennent de lancer contre l'Iran il y a de cela quelques jours. En fait, la Chine est régulièrement invoquée au sujet de cette guerre par les différents spécialistes interviewés, autant dans les médias traditionnels que sur les plateformes plus indépendantes. D'abord, on s'interroge à savoir si la Chine va intervenir dans le conflit pour défendre un allié traditionnel ou un partenaire stratégique clé qu'elle soutient depuis de nombreuses années. Certains se questionnent même sur la stratégie qu'adopteront les BRICS, puisque l'Iran est membre de l'organisation des BRICS depuis janvier 2024. Concernant la Chine plus spécifiquement, de nombreux commentateurs croient voir dans cette guerre une volonté d'affaiblir la Chine par le président américain en vue de négociations commerciales à venir en fragilisant ses circuits d'approvisionnement en pétrole autant venus de l'Iran que du Moyen-Orient. À titre d'exemple, on dit qu'environ 13% du pétrole consommé en Chine vient d'Iran, et environ 30% de son gaz naturel vient du Qatar. Considérant le blocage et les risques pour la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz, il s'agit là de quantités non négligeables qui vont certainement peser lourd avant longtemps dans l'économie chinoise. De tout ceci, il restera à voir si la Chine choisira de s'impliquer activement dans le conflit et de prendre la parole, ou si elle choisira de demeurer à l'écart et ainsi faire ce qu'elle a fait depuis le début de la guerre en Ukraine, donnant parfois l'impression de quelqu'un qui voudrait simplement s'asseoir en bordure d'une rivière pour regarder le spectacle du feu qui brûle et qui est en train de tout dévaster sur l'autre rive. Pour reprendre un ancien proverbe chinois qui se dit tout simplement « Ge han guan ho ». Tout porte à croire, selon les informations qui circulent, que la Chine pourrait être tentée de jouer un rôle de médiateur pour atténuer le conflit. Et nous aurons certainement à reparler de la situation au cours des prochaines semaines. Mais d'ici là, on va se tourner tout de suite en musique avec un groupe originaire de Hong Kong qu'on n'avait pas entendu sur nos ondes depuis plusieurs semaines. Il s'agit du groupe Beyond. Puisqu'on parle beaucoup de la guerre ces temps-ci, j'ai choisi la chanson « Amani », ce qui signifie « paix ». C'est une de leurs chansons parmi les plus connues, qui est un hymne à la paix qu'il serait bon, en ces temps bouleversés, de faire résonner plus fort que le bruit des bombes qui s'abattent sur les populations. C'est une chanson qui est interprétée en cantonais, mais dont le refrain est chanté en langue swahili. On dit que le groupe a composé cette pièce musicale après une tournée africaine au début des années 1990, en voyant que ce sont bien souvent les enfants et les populations les plus vulnérables qui subissent le plus fortement les ravages de la guerre, quelle qu'elle soit. Voici donc un petit hymne à la paix, la chanson « Amani » interprétée par le groupe « Beyond ». 唱一切，他的歌唱出爱，他的真理遍布这地球。他怎么一去不返？他可否会感到，烽烟掩盖天空与未来，无助与冰冻的眼睛，流泪看天际带悲愤。 是控诉战争到最后，伤痛是儿童。我向世界呼叫。 心碎，今天一切厄困，仿佛真理消失在地球，无助与冰冻的眼睛，流泪看天际带悲愤，是控诉战争到最后，伤痛是儿童，我向世界呼叫。 Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à reprendre notre récit historique sur la première guerre de l'opium. Nous avons parlé la semaine dernière du commerce britannique qui était largement déficitaire avec la Chine au 18e siècle. Nous avons mentionné que l'augmentation des achats de thé avait été contrebalancée par une augmentation proportionnelle des ventes d'opium en Chine. Cela était surtout vrai dans la deuxième moitié du 18e siècle, alors qu'à partir des années 1760, on remarque une corrélation très nette entre les augmentations d'achats de thé et les augmentations de ventes d'opium en Chine, et cette corrélation devint encore plus évidente après 1784 et l'établissement du Commutation Act. Contribuant à l'instauration d'une forme de nationalisation du thé en Angleterre par une réduction massive des taxes sur le produit, le Commutation Act a eu pour effet immédiat un désengagement des contrebandiers européens dans le commerce du thé en Europe. Comme on le sait, la nature a toujours horreur du vide, et les contrebandiers qui ne parvenaient plus à prospérer dans les mers européennes furent nombreux à se tourner vers le commerce de l'opium en Chine, qui était alors vu par plusieurs comme le nouvel Eldorado de la contrebande. De plus, comme le Commutation Act entraîna une augmentation considérable des achats britanniques de thé en Chine, on y vit une augmentation virtuelle du déficit commercial de l'Angleterre, contrebalancée par une augmentation tout autant significative des ventes d'opium en Chine. Ce commerce triangulaire qu'on appelait le country trade permettait donc de faire ressortir l'argent sonnant du territoire de l'Empire du Milieu afin de le remettre dans les coffres britanniques. Au final, on constate, d'année en année, une augmentation considérable des ventes d'opium en Chine, à un point tel qu'on assiste même à un renversement de la balance commerciale des échanges aux environs de 1820. À partir de ce moment, la balance commerciale est devenue déficitaire pour la Chine, ce qui a entraîné le pays sur l'inexorable voie d'une instabilité grandissante, qui nous rappelle de manière un peu sinistre la thématique du déclin de la Chine des Qing abordée au chapitre précédent. C'est donc dans un contexte d'autorité centrale déclinante et de soulèvements populaires qui étaient en augmentation que ce flux des capitaux vers l'extérieur du pays se déroulait. Par ailleurs, en plus de provoquer un retournement de la balance commerciale à l'avantage de l'Angleterre à partir de l'an 1820, le commerce de l'opium eut de nombreux effets déstabilisateurs dans la société chinoise. D'abord, face à l'augmentation considérable du commerce et donc de la consommation, le gouvernement impérial réitéra sa prohibition contre l'opium en 1796. Mais celle-ci n'eut que très peu d'effet sur les hausses vertigineuses de ventes et de consommation dans le pays. Conséquemment, la prolifération d'opium entraîna de nombreux problèmes sociaux majeurs, ayant un effet déstabilisateur qui toucha toutes les couches de la société, incluant les paysans, les marchands, les soldats et les lettrés. Certains spécialistes ont estimé qu'au début du 19e siècle, ce sont environ 30% des fonctionnaires locaux qui consommaient régulièrement de l'opium et pratiquement un fonctionnaire sur cinq qui consommait au niveau du gouvernement central. En plus de déstabiliser la société, la prolifération de ce commerce illicite entraîna une augmentation de la corruption, marquée par des pots de vin et des malversations de la part des fonctionnaires qui étaient impliqués dans le trafic, puisque, rappelons-le, le commerce était prohibé. Finalement, le renversement de la balance commerciale au profit de l'Angleterre entraînant un drainage sans précédent des ressources financières de la Chine hors du pays, ce qui vint aggraver considérablement la situation de déclin que les spécialistes ont identifiée en limitant les capacités de mettre sur pied une intervention efficace de la part du gouvernement central afin de contrecarrer les rébellions populaires qui se multipliaient partout à travers le pays. Le problème des finances publiques était tellement important pour le gouvernement qu'il y eut un débat crucial dans l'entourage du trône entre 1836 et 1838. Et pendant quelque temps, on envisageait même très sérieusement la légalisation de l'opium afin de pouvoir minimalement tirer avantage des taxes de vente sur ce produit afin de stopper l'hémorragie des capitaux en dehors du pays. Finalement, vers la fin de l'année 1838, c'est la ligne dure de la prohibition qui prit le dessus et le gouverneur de la province du Guangdong commença à mettre en place une campagne de prohibition musclée auprès des consommateurs. Par la suite, au printemps de l'année 1839, Lin Zexu, nouvellement nommé commissaire impérial, arriva dans la région de Canton avec comme mandat spécifique de régler la crise de l'opium une bonne fois pour toutes. Assisté des autorités locales, Lin Zexu procéda à la fermeture des fumeries d'opium, à la confiscation de tout le matériel de consommation qu'il pouvait trouver et à l'arrestation de marchands et de consommateurs. Lin Zexu procéda aussi à la mise en arrêt des marchands ainsi que du surintendant au commerce britannique en effectuant un blocus sur l'entrepôt dans lequel il se trouvait. Selon les sources historiques d'époque, on apprend que Lin Zexu garda les marchands britanniques en otage jusqu'à ce que ceux-ci remettent toutes les quantités d'opium qui se trouvaient à bord des bateaux environnants. Au final, ce sont plus de 20 000 caisses d'opium qui furent saisies par Lin Zexu, qui procéda ensuite à une destruction publique de l'opium pour confirmer la mise en application de la nouvelle prohibition en vigueur. En plus de ces gestes, Lin Zexu envoya une lettre à la couronne britannique visant à expliquer les nouvelles règles en vigueur concernant l'interdiction du commerce de l'opium en Chine, stipulant la peine de mort autant pour les commerçants que pour les consommateurs. L'Angleterre était déchirée depuis longtemps sur la question du commerce de l'opium en Chine, et plusieurs parmi ceux qu'on appelle les « free traders » n'attendaient qu'une occasion pour que le gouvernement intervienne en leur faveur, afin de libéraliser davantage les règles du commerce. Or, alors qu'un débat faisait rage au Parlement britannique, les actions du commissaire impérial Lin Zexu sont devenues le casus belli tant attendu qui permit à ces marchands de faire pression sur le gouvernement et ainsi faire pencher la balance en leur faveur. Suite à un débat musclé et à un vote divisé, c'est en février 1840 que Lord Palmerston arriva en Chine, muni d'une lettre qu'on peut qualifier comme la déclaration de guerre officielle de l'Angleterre. Les lettres de Lin Zexu et de Lord Palmerston sont des documents historiques excessivement riches qui était au cœur des analyses que j'ai présentées dans mon livre « Diplomatie, rhétorique et canonnière ». Ce sont des documents qui nous révèlent la manière dont chacun des acteurs en présence représentait la situation vécue et le contexte dans lequel ils se trouvaient à l'aube du déclenchement de la première guerre de l'opium. Pour ce qui est de la lettre de Palmerston, la situation problématique engendrée en Chine par le commerce illicite de l'opium est reconnue par les autorités anglaises, qui repousse toutefois la faute sur les autorités chinoises corrompues qui tirent avantage de ce commerce plutôt que de le réprimer. Mais surtout, alors que les autorités britanniques reconnaissent que la Chine a le droit de vouloir réglementer ce commerce, on ne tolère pas la manière excessive avec laquelle Lin Zexu s'y serait pris pour y parvenir. Et surtout, le fait qu'il aille emprisonner le surintendant britannique au commerce, qui était en quelque sorte un représentant de la couronne britannique. Ainsi, en lisant la déclaration de guerre britannique datant de février 1840, on découvre que la justification donnée pour lancer la première guerre de l'opium était d'abord une question de rétablir l'honneur bafoué. Et c'est ainsi que la flotte anglaise arriva dans les eaux chinoises en juin 1840, avec 48 bateaux, comprenant 16 navires de guerre, 4 canonnières, 27 bateaux servant pour le transport et un pour les troupes, qui était au nombre de 4000 soldats. La stratégie navale fut répartie en 3 lieux stratégiques afin de couper rapidement les axes de transport, en prenant les environs de Canton au sud, Ningpo dans les environs de l'estuaire du fleuve Yangtze, puis Tianjin dans le nord du pays. Après de nombreux affrontements, un accord de trêve nommé la Convention de Chuenpi fut signé en janvier 1841. Mais l'accord fut rapidement rejeté par les deux belligérants, alors que la guerre reprit de plus belle jusqu'au mois d'août 1842. Au total, au cours de ces 2 années de guerre, on estime les pertes humaines à 69 morts et 450 blessés du côté britannique et entre 18 000 et 20 000 morts du côté chinois. La première guerre de l'opium se termina par la ratification du traité de Nankin le 29 août 1842. Un traité qui doit être vu comme le modèle à partir duquel seront constitués l'ensemble des traités inégaux qui viendront par la suite. Concrètement, le traité de Nankin a mis fin au système de cantons, qui était en vigueur depuis 1760. En forçant l'ouverture de 5 ports au commerce britannique, ceux-ci étant les ports de Canton, Xiamen, qu'on appelle aussi Amoy, Fuzhou, Ningpo et Shanghai. Le traité a aussi promulgué la suppression de la guilde commerciale du Kohong, qui avait jusqu'alors le monopole des échanges commerciaux avec l'Occident depuis le milieu du 18e siècle. À cela s'ajoute une importante compensation financière, la normalisation des tarifs douaniers à l'avantage de l'Angleterre et surtout la cession d'une portion de territoire qui devient l'île de Hong Kong. C'est donc à partir de la ratification du traité de Nankin en 1842 que l'île de Hong Kong est devenue une colonie britannique. Mais avant de poursuivre notre récit sur la suite de cette période mouvementée, on revient tout de suite en musique avec une pièce qui va nous ramener à la dimension manchoue de la dynastie Qing. On vient de parler de guerre et c'est une chanson qui souligne l'une des caractéristiques militaires par excellence associées aux manchous, à savoir le tir à l'arc. La pièce en question s'intitule « Uxalara Maxin » et c'est une chanson qui parle de préparatifs militaires, de l'entraînement au tir à l'arc à dos de cheval et de la voix des ancêtres qui a été négligée et oubliée. Alors que « Maxin » signifie tout simplement « une danse » en langue manchoue, « Uxalara » se rapproche du verbe « Uxalambi » qui peut signifier « partir »,« quitter », se séparer de quelque chose, se sortir d'une situation, mais surtout lancer une flèche après avoir visé la cible. On peut donc traduire le titre Uksalara Maxine par « La danse des flèches qui vole de toutes parts » ou métaphoriquement et avec un peu d'exagération par « Une danse visant à honorer celle qui parvient enfin, après des années de tumulte et d'oppression, à se départir de la situation venimeuse dans laquelle elle était empêtrée. » Voici donc la pièce Uksalara Maxine, interprétée en langue manchoue, et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. Kini ashka o kini ta kusundo yili. Kafarang kafana yam yarang yam yana. Sumbi ma furkana yas naptam toko. Kini khas peo kini mori khaj bum gile Shushkalam mori vsinda makhla vachurim beri ara Uksalama koyum baga das kumakta tolum Mavri sumko sumko doko Mani amcha dar chorin mavri anduro Sim!